Une douce et... Dédina Forest, y'a une rio qui rajo, Dédina Forest, y'a une rio qui rajo. Aïe mama, c'est sa bièce, comme le rio fazie en veg. Aïe mama, c'est sa bièce, comme les gens s'y sauraient campa. Voulien tout croupard. La terre et les arbres, voulien tout croupard. La terre et les arbres, aïe mama, c'est sa bièce, comme le riou fazie en veg. Aïe mama, c'est sa bièce, comme les gens s'y sauraient campa. Voulien tout croupard. Dédin lou bouscadji, voulien tout croupard. Dédin lou bouscadji, aïe mama, c'est sa bièce, comme le riou fazie en veg. Aïe mama, c'est sa bièce, comme les gens s'y sauraient campa. Voulien à seca. Luri u savaji, voulien a seca. Luri u savaji, aïe mama, c'est sa bièce, comme le riou fazie en veg. Aïe mama, c'est sa bièce, comme les gens s'y sauraient campa. Voulien a seca, luri u savaji. Voulien a seca, luri u savaji. Voulien a seca, luri u savaji. Voulien a seca, luri u savaji. Voulien a seca, luri u savaji. Voulien a seca, luri u savaji. Aïe mama, c'est sa bièce, comme le riou fazie en veg. Aïe mama, c'est sa bièce, comme les gens s'y sauraient campa.